بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل من اليوم في سورة النور. في الآية أو المسألة 24 بعد 100، في قوله تعالى، يعني 24 مسألة، في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. Dans le sens où Allah Azzawajal dit que le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou alors une associatrice. Et la fornicatrice n'épousera qu'un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit sur les mu'minines, aux croyants. Surat Nour, verset 3. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزنا على الإعفاء والعفائف. يدل لذلك قوله تعالى: محصنات غير مسافحات، الآية، وقوله: محصنين غير مسافحين. Donc là, ce noble verset nous démontre qu'il est interdit d'épouser, tiens, ni pour les chastes, hommes et femmes, qu'il aurait interdit d'épouser les fornicateurs et les fornicatrices. Et cela est confirmé par rapport à Allah dans le sens où il dit: chaste et n'ayant pas d'amant. Dans Sourate An-Nisa, verset 25. Et également l'autre verset, qui sont chastes, c'est-à-dire les hommes, et n'ayant pas d'amante. Sourate An-Nisa également, verset 24. قال: وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على خلاف ذلك، كقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وقوله: وحل لكم ما وراء ذلكم. Et d'autres versets sont venus montrer le contraire de cela par la généralité. Comme dans sa parole, dans le sens où Allah dit: et mariez les célibataires entre vous. Surat An-Nur, verset 32. Et sa parole dans le sens où il dit: et qu'il vous a été permis en dehors de tout cela, c'est-à-dire dans Sourate An-Nisa, lorsque Allah Azzawajal a cité les femmes qui étaient interdites, il cite: en dehors de tout cela, il vous a permis d'épouser les femmes. Verset 24. قال: والجواب عن هذا مختلف فيه اختلافا مبنيا على اختلاف في حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني. Donc là, la réponse en cela est basée sur la divergence qu'il y a dans le fait de faire épouser une femme chaste avec un homme fornicateur ou le contraire. قال: فمن يقول هو حرام ويقول هذه الآية مخصصة للعموم وانكحوا الأيام منكم وعموم وحل لكم ما وراء ذلكم. Donc certains disent que cela est interdit, c'est-à-dire de faire épouser un fornicateur avec une femme chaste et un homme chaste avec une fornicatrice. Et ils disent qu'en fait, ce verset-là, qui interdit cela, le verset dans lequel nous sommes dans l'étude actuellement, est un verset qui est mukhassas, qui est spécifique, contrairement aux autres versets qui eux sont généraux. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ بِعَدَمِ الْمَنْعِ وَهُمْ أَكْثَرُ أَجَابُوا بِأَجْوِبَهُ. Et ceux qui voient que cela n'est pas interdit, eux sont plus nombreux et ils ont donné plusieurs réponses. Minha annaha mansukha biqoulihi wa ankihu ala al-ayama minkum. Wa iktasara sahib al-itqan ala al-nasr wa mimman qala bin-nasr Sa'id ibn Musayyib wa Shafi'i. Donc parmi les premières réponses, ils ont dit qu'en fait le verset de fait de ne pas épouser la fornicatrice et le fornicateur, ainsi de suite, cela est un verset qui était abrogé par la parole d'Allah dans le sens où il dit: et mariez les célibataires entre vous. Donc ça, c'est un qaul cité par Saïd ibn Musayyib et également par Al-Shafi'i. Ça, c'est une réponse. Wa minha anna an-nikah fil aya al-wat'u wa alayhi fal murad bil aya anna az-zaniya la yutawi'uhu wa la fi'lihi wa yusharikuhu fi muradihi illa zaniyatun mithluhu aw mushrikatun la tara hurmat az-zina. Et là, le sens nikah, c'est le sens de, en fait, de rapport, le fait d'avoir des rapports. Car le mot nikah peut avoir également le sens d'avoir des rapports tout simplement. Donc le verset veut dire quoi? Que ceux qui forniquent, les seuls qui leur obéissent dans leur fornication, ce sont et qui participent avec eux, ou plutôt les fornicateurs, je reprends, les fornicateurs, les seuls qui approuvent et qui participent à leur acte, d'accord, ce sont les fornicatrices ou alors les associatrices, qui, elles, ne verraient pas l'interdiction de la fornication, c'est-à-dire autre qu'une kitabia qui soit chaste. Les seuls qui forniquent avec les fornicateurs, ce sont les fornicatrices ou les associatrices. Ça, c'est le sens du verset lorsqu'on me dit que le nikah, ça a le sens de rapport. Le sens de rapport et non pas de mariage. وَمِنَهَا أَنَّ هَذَا خَاصٌ يَنَوْ كَانَ فِي نِسْوَةٍ بَغَايَا كَانَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ إِحْدَاهُنَّ عَلَى أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ مِمَّا كَسَبَتْهُ مِنَ الزِّنَا. لأن ذلك هو السبب نزول الآية وزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب بدليل قوله تعالى وحل لكم أي ما وراء ذلكم وقوله وأنكحوا الأيام وهذا أضعفها والله أعلم. Et troisième réponse, c'est que cela, ce verset, c'est un verset qui est spécifique pour des gens particuliers. Qu'en est-il que au milieu des femmes, parmi les femmes, il y avait certaines qui étaient des prostituées. Et que l'homme se mariait avec l'une d'entre elles, à condition qu'elle dépense pour lui de son salaire, c'est-à-dire de cet argent qu'elle aurait obtenu en forniquant, elle dépense pour son mari. Car là-bas, c'est ça la cause de la descente du verset. La cause de la descente du verset est venue pour cela. Donc certains ont dit que le verset est spécifique à cette situation. Non. Et lui, l'auteur, évoque cette réponse, la troisième, est la plus faible des trois. C'est-à-dire des trois parmi ceux qui ont permis le fait de se marier avec une fornicatrice. Et il ne dit pas vraiment c'est quoi le réagir pour lui, mais on dirait que la première parole, c'est son avis. Allah alam. C'est ce qui apparaît, sans que cela ne soit clairement déclaré. Il ne dit pas c'est quoi vraiment son avis, mais on dirait que c'est la première réponse. Et que cela n'est pas permis. Et que le verset, lui, il est khas, et que les autres versets qui parlent de mariage, eux, sont généraux. Naam. Fa ila huna, walhamdulillah bil alamin.